Chapitre 67. Jean-Marie, dépêche-toi d'aller dire à Yves que je l'attends là, en bas, à terre, sur le quai. C'était 10 minutes après. Il fallait bien se voir après s'être écrit, pour que la réconciliation fût complète. Quand Yves arriva, il avait sa figure changée et son bon sourire, que je n'avais plus vu depuis bien longtemps. Je pris sa main, sa pauvre main de gabier, dans les miennes. Il fallait la serrer très fort pour qu'elle sentît la pression, car le travail l'avait beaucoup durci. Aussi, pourquoi m'avez-vous fait cela? Ce n'était pas bien allé. Et ce fut tout ce qu'il trouva à me dire en matière de reproches. Nous n'étions pas astreints à la garde de nuit sur cette Sèvre. Sais-tu, Yves, nous allons passer cette soirée de premier de l'an ensemble à terre, dans Brest, et tu dîneras en face de moi, à la bourse. Cela ne nous est jamais arrivé, et cela nous amusera. Vite, va faire épousseter ton dos. Il s'était tout sali dans la cale au fer. Et allons-nous-en. « Oh, mais dépêchons-nous alors. Plutôt, je m'épousseterai chez vous, dans votre chambre de terre. Le canon va tirer. Nous n'aurons jamais le temps de sortir. » Nous étions justement tout au fond du port, très loin des portes, et nous voilà partis, courant presque. Allons, bien, le coup de canon à moitié route, et nous sommes pris. Obligés de rentrer à bord de cette Sèvre où il fait froid et où il fait noir. Au carré, il y a un méchant fanal, allumé dans une cage grillée par le pompier de ronde et pas de feu. C'est là que nous passons notre soirée de premier de l'an, privés de dîner par notre faute, mais contents tout de même de nous être retrouvés et d'avoir fait la paix. Pourtant quelque chose encore préoccupait Yves. Je n'ai pas pensé à vous dire cela plus tôt, vous auriez peut-être mieux fait de me remettre au fer jusqu'à demain matin, à cause des autres, voyez-vous, qui n'auront pas trop compris. Mais sur sa conduite à venir, il n'avait plus d'inquiétude et se tenait ce soir très fort de lui-même. « D'abord, disait-il, j'ai trouvé une manière sûre. Je ne descendrai plus jamais à terre qu'avec vous, quand vous m'emmènerez. Ainsi comme ça, vous comprenez bien. » Chapitre 68. Dimanche 31 mars 1881. Tout levait au printemps, les sentiers pleins de primevère. Un premier souffle, un peu tiède, passe et surprend délicieusement, passe sur les branchages des chênes et des hêtres, sur les grands bois effeuillés, et nous apporte dans cette Bretagne grise des effluves d'ailleurs, des ressouvenirs de pays plus lumineux. Un été pâle va venir, avec de longues, longues soirées douces. Nous sommes tous sortis sur la porte de la chaumière, les deux vieux Kéréménen, Yves sa femme, et puis Anne, la petite Corentine et le petit Pierre. Les chants d'église, que nous avions d'abord entendus dans le lointain, se rapprochent très lentement. C'est la procession qui arrive d'un pas rythmé, la première procession du printemps. La voilà dans le chemin vert, elle va passer devant nous. Monte-moi par un monte, dit petit Pierre qui me tend les bras pour se faire prendre à mon cou, pour mieux voir. Mais Yves le veut pour lui, et l'enlevant très haut, le pose tout debout sur sa tête. Alors petit Pierre sourit de se trouver si grand, et plonge ses mains dans les branches moussues des vieux arbres. La bannière de la Vierge passe, portée par deux jeunes hommes recueillis et graves. Tous les hommes de Trémelay et de Toulven la suivent, tête nue, jeunes et vieux, leurs feutres bas, de longs cheveux, blonds ou blanchis par l'âge, qui tombent sur des vestes bretonnes ornées de broderies vieilles. Toutes les femmes viennent derrière, des corselets noirs tout brodés d'yeux, un petit brouhaha contenu de voix qui prononce des mots celtiques, un remuement de grandes choses en mousseline blanche sur les têtes. La vieille sage-femme défile la dernière, courbée et trottant menue, toujours avec son allure de fée. Elle nous adresse un signe de connaissance et menace petit Pierre par plaisanterie du bout de son bâton. Cela s'éloigne et le bruit aussi. Maintenant nous voyons par derrière et de loin toute cette file qui monte entre les étroites parois de mousse, tout ce plein sentier de coiffes à grandes ailes et de collerettes blanches. Cela s'en va en zigzag, montant toujours vers Saint-Éloi de Toulven. C'est très bizarre cette queue de procession. « Oh, toutes ces coiffes !» dit Anne, qui a fini son chapelet la première, et qui se met à rire, saisie de l'effet de toutes ces têtes blanches élargies par les tuyaux de mousseline. C'est fini. Perdu dans les lointains de la voûte de hêtre, on ne voit plus que le vert tendre du chemin, et les touffes de primevère semées partout, végétations hâtives qui n'ont pas pris le temps de voir le soleil, et qui se pressent sur la mousse en gros bouquets compacts, d'un jaune pâle de soufre, d'une teinte laiteuse d'ambre. Les Bretons les appellent « fleurs de lait ». Je prends petit Pierre par la main et l'emmène avec moi dans les bois, pour laisser Yves seul avec ses parents. Ils ont des affaires très graves, paraît-il, à discuter ensemble. Toujours ces questions d'intérêt et de partage, qui à la campagne tiennent une si grande place dans la vie. Cette fois, il s'agit d'un rêve qu'ils ont fait tous deux, Yves et sa femme. Réunir tout leur avoir et bâtir une petite maison, couverte en ardoise, dans tout le Veyne. J'aurai ma chambre à moi dans cette petite maison, et on y mettra des vieilleries bretonnes que j'aime, et des fleurs et des fougères. Ils ne veulent plus demeurer dans les grandes villes, ni dans Brest surtout. C'est trop mauvais pour Yves. Comme ça, dit-il, c'est vrai que je n'habiterai pas bien souvent chez moi, mais quand je pourrai y venir, nous y serons tout à fait heureux. Et puis, vous comprenez, c'est surtout pour plus tard, quand j'aurai ma retraite. Je serai très bien dans ma maison avec mon petit jardin. La retraite, toujours ce rêve que les matelots commencent à faire en pleine jeunesse, comme si leur vie présente n'était qu'un temps d'épreuve. Prendre sa retraite, vers 40 ans, après avoir fait les 100 coups par le monde, posséder un petit coin de terre à soi, y vivre très sage et n'en plus sortir, devenir quelqu'un de posé dans son hameau, dans sa paroisse, marguillé après avoir été rouleur de mer, vieux diable, se faire bon ermite, bien tranquille. Combien d'entre eux sont fauchés avant de l'atteindre, cette heure plus paisible de l'âge mûr? Et pourtant, interrogez-les, ils y songent tous. Cette manière sûre qu'Yves avait trouvée, pour être sage, lui avait réussi très bien. À bord, il était le marin exemplaire qu'il avait toujours été, et à terre, nous ne nous quittions plus. À dater de cette mauvaise journée, qui avait commencé l'an 81, notre façon d'être ensemble avait complètement changé, et je le traitais à présent tout à fait en frère. Sur cette Sèvre, un très petit bateau où nous vivions, entre officiers, dans une intimité bien cordiale, Yves était maintenant de notre bande. Au théâtre, dans notre loge, de part dans nos excursions, dans nos entreprises généralement quelconques. Lui, intimidé d'abord, refusant, se dérobant, avait fini par se laisser faire parce qu'il se sentait aimé de tous. Et moi j'espérais, dans ce moyen nouveau, et peut-être étrange, le rapprocher de moi le plus possible, et le lever au-dessus de sa vie passée, de ses amis d'autrefois. Cette chose qu'on est convenu d'appeler éducation, cette espèce de vernis, appliquée d'ailleurs assez grossièrement sur tant d'autres, manquait tout à fait à mon frère Yves. Mais il avait par nature un certain tact, une délicatesse beaucoup plus rare, et qui ne se donne pas. Quand il était avec nous, il se tenait si bien à sa place toujours, que lui-même commençait à s'y trouver à l'aise. Il parlait très peu, et jamais pour dire ces choses banales que tout le monde a dites, et même lorsqu'il quittait sa tenue de marin pour prendre certains costumes gris fort bien ajustés, avec des gants de Suède d'une nuance assortie, alors, tout en gardant sa désinvolture de forban, sa tête en arrière et sa peau bronzée, il prenait tout à coup fort grand air. Cela nous amusait de le mener avec nous, de le présenter à de braves gens auxquels son silence et sa carrure imposaient, et qui le trouvaient dédaigneux. Et c'était drôle le lendemain de le voir redevenu matelot, aussi bon gabier que devant. Donc nous étions dans les bois de Toulven, petit Pierre et moi, à chercher des fleurs pendant le conseil de famille. Nous en trouvions beaucoup, des primevères pâles, des pervenches violettes, des bourraches bleues, et même des silènes roses, les premières du printemps. Petit Pierre en ramassait tant qu'il pouvait, très agité, ne sachant jamais auquel courir, et poussant de gros soupirs, comme accablé d'une besogne très importante. Il me les apportait bien vite par petits paquets, toutes mal cueillies, à moitié chiffonnées dans ses petits doigts, et la queue trop courte. De la hauteur où nous étions, on voyait des bois à perte de vue. Les épines noires étaient déjà fleuries. Toutes les branches, toutes les brindilles rougeâtres, pleines de bourgeons, attendaient le printemps. Et là-bas, l'église de Toulven dressait au milieu de ce pays d'arbres sa flèche grise. Nous étions restés si longtemps dehors qu'on avait mis Corentine en vigie dans le sentier vert pour annoncer notre retour. Nous la voyions de loin qui sautait, qui faisait le diable toute seule avec sa grande coiffe et sa collerette au vent, et elle criait bien fort. « Les voilà qui arrivent, Pierre Brasse et Pierre Vienne, Pierre Grand et Pierre Petit, en se donnant main tous les deux. » Et elle tournait la chose en chanson et la chantait sur un air de Bretagne très vif, en dansant en mesure. « Les voilà qui arrivent, et ils se donnent la main tous deux, Pierre Brasse et Pierre Vienne. » Sa grande coiffe et sa collerette au vent, elle dansait comme une petite poupée devenue folle. Et la nuit tombait, nuit de mars, toujours triste, sous la voûte effeuillée des vieux arbres. Un froid courait tout à coup, comme un frisson de mort sur les bois, après le soleil tiède du jour. Et ils se donnent la main tous deux, Pierre Brasse et Pierre Vienne, et Pierre Vienne Bugueldu. Bugueldu, le petit bonhomme noir, ce même surnom qu'Yves avait porté. Elle le donnait à son petit cousin Pierre, toujours à cause de cette couleur bronzée des Kermadec. Alors je l'appelais Moiselle, Vienne Pen Mélène, petite demoiselle à tête jaune. Et ce nom lui resta. Il lui allait bien à cause de ses cheveux toujours échappés de sa coiffe, comme des écheveaux de soie couleur d'or. Tout le monde avait l'air heureux dans la chaumière, et Yves me prit à part pour me dire qu'on s'était très bien entendu. Le vieux Corentin leur donnait 2000 francs, et une tante leur en prêtait 1000 autres. Avec cela, ils pourraient acheter un terrain à terme et commencer tout de suite à bâtir. Après dîner, vite, il fallut aller prendre la voiture à Toulven et le train à Banalec. Yves et moi, nous nous en retournions à Lorient, où notre Sèvre nous attendait dans le port. Vers 11 heures, quand nous fûmes rentrés dans le logis de hasard que nous avions loué en ville, Yves, avant de se coucher, arrangea dans des vases nos fleurs des bois de Toulven. Pour la première fois de sa vie, il faisait pareil ouvrage. Il était étonné de lui-même et de trouver jolies ces pauvres fleurettes, auxquelles il n'avait encore jamais pris garde. « Eh bien, dit-il, quand j'aurai ma petite maison à Toulven, j'en mettrai chez nous, car je trouve que ça fait très bien. Si pourtant vous tenez qui m'avez donné l'idée de ces choses. » Chapitre 69. En mer le lendemain, 1er avril. Route sur Saint-Nazaire. Voilure du Grand Largue, forte brise du nord-ouest, mauvais temps, on ne voit plus les feux. Entrer dans le bassin au petit jour, casser le bossoir, craquer le petit mât de Une. Le 2, c'est jour de paye, des hommes ivres tombent la nuit dans la cale et se fendent la tête. Une petite permission de 2 jours inattendue. En route avec Yves pour trémeler en Toulven. Cette Sèvre est un bon bateau, qui ne nous éloigne jamais bien longtemps. À 10 heures du soir, au clair de lune, nous venons frapper à la porte des vieux Kéréménen et de Marie, qui ne nous attendent pas. On lève petit Pierre pour nous faire honneur, et on l'assied sur nos genoux. Tout surpris dans son premier sommeil, il nous dit bonjour tout bas, en souriant, et puis il ne fait plus grand cas de notre visite. Ses yeux se ferment malgré lui, et sa petite tête s'en va de tous les côtés. Et Yves, très inquiet, le voyant baisser la tête et regarder en dessous, les cheveux dans les yeux, « Moi, je trouve qu'il a un air sournois. » Et il me regarde anxieux de savoir ce que j'en pense, concevant déjà une préoccupation grave pour l'avenir. Il n'y a au monde que mon cher Yves pour avoir des frayeurs aussi drôles. Je fais sauter petit Pierre, qui alors se réveille pour tout bon et éclate de rire, ses beaux grands yeux bien ouverts entre leurs longs cils. Yves se rassure et trouve qu'en effet, il n'a plus la mine du tout sournoise. Quand sa mère le met tout nu, il ressemble au bébé classique, au statut grec de l'amour. Chapitre 70. Toulven, 30 avril. Ceci se passe dans la chaumière des vieux Kéréménen à la tombée de la nuit, un soir d'avril. Nous sommes toute une bande qui rentrons de la promenade. Yves, Marie, Anne, la petite Corentine Penmilen et le petit Pierre Bugueldu. Il y a 4 chandelles allumées dans la chaumière. 3, cela ferait la noce du chat, et cela porterait malheur. Sur la vieille table de chêne massif, polie par les années, on a préparé du papier, des plumes et du sable. On a rangé des bancs tout autour. Des choses très solennelles vont se passer. Nous déposons notre moisson d'herbes et de fleurs, qui met dans la chaumière noire une odeur d'avril, et puis nous prenons place. Entre 2 bonnes vieilles qui entrent, l'air important, elles disent bonsoir avec une révérence qui fait dresser tout debout leurs grandes collerettes empesées, et s'assoit dans les coins. Puis Pierre Kerbras, le fiancé d'Anne. Enfin tout le monde est placé, nous sommes au complet. C'est la grande soirée des arrangements de famille, où les vieux Kéréménen vont exécuter la promesse qu'ils ont faite à leurs enfants. Ils se lèvent tous deux pour ouvrir un bahut antique, dont les sculptures représentent des sacrés cœurs alternant avec des coques. Ils remuent des papiers, des hardes, puis tout au fond prennent un petit sac qui paraît lourd. Ensuite ils vont à leur lit, retournent à la paillasse et cherchent dessous un second sac. Ils les vident sur la table devant leur fils Yves, et on voit paraître toutes ces belles pièces d'or et d'argent, marquées d'effigies anciennes, qui depuis un demi-siècle s'étaient amassées une à une et dormaient. On les compte par petits tas, ce sont les 2000 francs promis. Maintenant, c'est le tour de la vieille tante, qui se lève et vient vider un troisième petit sac, encore 1000 francs d'or. La vieille voisine s'avance la dernière, elle en rapporte 500 dans un pied de bas. Tout cela, c'est pour prêter à Yves, tout cela s'entasse devant lui. Il signe 2 petits reçus sur 2 papiers blancs, il les remet aux vieilles prêteuses, qui font leur révérence pour partir, et que l'on retient, comme l'usage le commande, pour boire un verre de cidre avec nous. C'est fini, tout cela s'est passé sans notaire, sans acte, sans discussion, avec une confiance et une honnêteté qui sont choses de tout le veine. Pan, pan, pan à la porte, c'est l'entrepreneur maçon, et il arrive juste à point. Avec celui-là, par exemple, on emploiera le papier timbré. C'est un vieux roué de Quimper qui n'entend qu'à moitié le français, mais qui paraît pas mal sournois, tout de même avec ses manières de la ville. J'ai mission de lui faire comprendre un plan de maison que nous avons combiné dans nos soirées de bord et où figure ma chambre. Je discute la confection des moindres parties et le prix de tous les matériaux, prenant un air de m'y connaître qui impose à ce vieux, mais qui nous fait rire, Yves et moi, quand par malheur nos yeux se rencontrent. Sur une feuille timbrée du prix de 12 sous, j'écris 2 pages de clauses et de détails. Une maison bâtie en granit, cimentée avec du sable de rivière, blanchie à la chaux, charpentée en châtaignier, avec jardin devant, grenier à lucarne, au vent peint en vert, etc., etc. Le tout terminé avant le 1er mai de l'année prochaine et au prix fixé d'avance de 2 950 francs. J'en ai une vraie fatigue de ce travail et de cette tension d'esprit. Je suis très étonné de moi-même et je les vois tous émerveillés de ma prévoyance et de mon économie. C'est inouï les choses que ces bonnes gens me font faire. Enfin, c'est signé, paraffé. On boit du cidre en se serrant la main à la ronde. Et voilà Yves propriétaire en Toulven. Ils ont l'air si heureux, Marie et lui, que je ne regrette pas ma peine pour sûr. Les 2 bonnes vieilles font leur révérence définitive, et toutes les autres, même petit Pierre, qui n'a pas voulu se coucher, viennent par la belle nuit qu'il fait me reconduire au clair de lune jusqu'à l'auberge. Toulven, 1er mai 1881. Nous sommes très affairés dès le matin. Yves et moi, aidés du vieux Corentin Kéréménen, à mesurer avec une corde le terrain à acquérir. D'abord, il a fallu en faire le choix, et cela nous a pris toute la matinée d'hier. Pour Yves, c'était là une question très sérieuse, arrêter l'emplacement de cette petite maison, où il entrevoit au fond d'un lointain mélancolique et étrange sa retraite, sa vieillesse et sa mort. Après beaucoup d'allées et de venues, nous nous sommes décidés pour cet endroit-ci. C'est à l'entrée de Toulven sur la route qui mène à Rosporden, un point élevé, devant une petite place de village qui est égayée ce matin par une population de poules tapageuses et d'enfants roses. D'un côté, on verra Toulven et l'église, de l'autre, les grands bois. Pour le moment, ce n'est encore qu'un champ d'avoine très vert. Nous l'avons bien mesuré dans toutes les dimensions. Au prix où le mètre carré, il y en aura pour 1 490 francs, plus les honoraires du notaire. Comme il va falloir qu'il soit sage et fasse des économies pour payer tout cela, il devient très sérieux quand il y songe. Chapitre 71. À bord de la Sèvre, mai 1881. Yves, qui aura 30 ans bientôt, me prie de lui rapporter de terre un cahier relié pour commencer à y écrire ses impressions, à ma manière. Il regrette même de ne plus se rappeler assez les dates et les choses passées pour reconstituer un journal rétrospectif de sa vie. Son intelligence s'ouvre à une foule de conceptions nouvelles. Il se façonne sur moi, c'est incontestable, et se complique peut-être un peu plus qu'il ne faudrait. Mais notre intimité amène un autre résultat très inattendu. C'est que je me simplifie beaucoup à son contact. Moi aussi je change, et presque autant que lui. Brest, juin 1881. À 6 heures, le soir de la Saint-Jean, sur l'impérial d'un omnibus de campagne, je revenais avec Yves du Pardon de Plougastel. Notre sève avait été en mai jusqu'à Alger, et nous sentions mieux, par contraste, le charme particulier du pays breton. Les chevaux s'en allaient ventre à terre, tout enrubannés, ayant sur la tête des bannières et des rameaux verts. Dans l'intérieur, on chantait, et dessus, près de nous, 3 matelots gris dansaient, bonnets sur l'oreille, des fleurs aux boutonnières, des rubans, des trompettes, et par ironie pour les gens à vue faible, portant des lorgnons bleus. 3 jeunes hommes à la tournure délurée, à la tête intelligente qui couraient leur bordée de départ au moment de s'en aller en Chine. Des bourgeois se fussent cassés le cou. Eux, qui avaient tant bu, tenaient ferme, sautaient comme des cabris. Et la voiture s'en allait grand train, de droite et de gauche dans les ornières menées par un cocher ivre. À Plougastel, nous avions trouvé le bruit d'une fête de village. Des chevaux de bois, une naine, une géante, la famille Mouton qui se désosse, et des jeux et des cabarets. Et puis sur une place isolée, entourée de chaumières grises, les bignoux bretons, sonnait un air rapide et monotone du temps passé. Des gens en vieux costumes dansaient à cette musique centenaire. Hommes et femmes se tenant par la main, couraient dans le vent, comme des fous en longue file frénétique. Cela c'était la vieille Bretagne, donnant encore sa note sauvage, même aux portes de Brest, au milieu de ce tapage de foire. D'abord, nous essayons, Yves et moi, de calmer ces trois matelots et de les faire s'asseoir. Et puis nous trouvons drôle de nous voir, nous, leur faire ce sermon. Après tout, dis-je à Yves, nous en avons bien fait d'autres. Ah oui, bien sûr, répond-il avec conviction. Et nous nous contentons de tendre nos bras entre les montants de fer pour les empêcher de tomber. Et les routes des villages sont tout remplis de gens qui reviennent de ce pardon. Et tous ces gens s'ébahissent de voir passer cet équipage de fous et ces trois matelots dansant sur cette voiture. La splendeur de juin jette sur toute cette Bretagne son charme et sa vie. La brise est douce et tiède sous le ciel gris. Les hauts foins tout pleins de fleurs roses, les arbres d'un vert d'émeraude remplis de hannetons. Et les trois matelots dansent toujours en chantant. Et à chaque couplet, les autres, dans l'intérieur, reprennent le refrain. Il est parti vent arrière, il reviendra en louvoyant. Les vitres de notre voiture en vibrent. Et cet air, toujours le même, répété deux lieues durant, est un très vieil air de France, si ancien et si jeune, d'une gaieté si fraîche et de si bon aloi, qu'au bout d'un moment, nous aussi nous le chantons avec eux. Comme elle est belle et rajeunie la Bretagne, et verte au soleil de juin. Nous autres, pauvres gens de la mer, quand nous trouvons le printemps sur notre route, nous en jouissons plus que les autres, à cause de notre vie séquestrée dans les couvents de planches. Il y avait 8 ans qu'Yves n'avait vu son printemps breton, et nous avions été longtemps fatigués tous deux par l'hiver, ou par cet éternel été qui resplendit d'ailleurs sur la grande mer bleue. Et nous nous laissions enivrer par ces foins verts, par ces senteurs douces, par tout ce charme de juin que les mots ne peuvent dire. Il y a encore de beaux jours dans la vie, de belles heures de jeunesse et d'oubli. Ô diable, toutes les rêveries mélancoliques, tous les songes maladifs des tristes poètes. Il fait bon courir, la poitrine au vent, en compagnie des plus joyeux d'entre les enfants du peuple. La santé et la jeunesse, c'est tout ce qu'il y a de vrai sur terre, avec la gaieté simple et brutale, et les chants des matelots. Et nous allions toujours très vite et de travers, zigzagant sur la route au milieu de tout ce monde, entre les aubépines très hautes formant de haies vertes et sous la voûte touffue des arbres. Bientôt parut Brest, avec son grand air solennel, ses grands remparts de granit, ses grandes murailles grises, où poussaient aussi des herbes et des digitales roses. Elle était comme enivrée, cette ville triste, d'avoir par hasard un vrai jour d'été, une soirée pure et tiède. Elle était pleine de bruit, de mouvement et de monde, de coiffes blanches et de marins qui chantaient. Chapitre 72. 5 juillet 1881. En mer. Nous revenons de la Manche. La Sèvre marche tout doucement dans une brume épaisse, poussant de minute en minute un coup de sifflet qui résonne comme un appel de détresse sous ce suaire humide qui nous enveloppe. Les solitudes grises de la mer sont autour de nous, et nous en avons le sentiment sans les voir. Il semble que nous traînons avec nous de longs voiles de ténèbres. On voudrait les percer, on est comme oppressé de se sentir, depuis tant d'heures enfermé là-dessous. Et on songe que ce rideau est immense, infini, qu'on pourrait faire des lieux et des lieux sans vue, dans le même gris blafard, dans la même atmosphère d'eau. Et la houle passe, lente, molle, régulière, patiente, exaspérante. C'est comme de grands dos polis et luisants qui s'enflent, donnent leur coup d'épaule, vous soulèvent et vous laissent retomber. Brusquement, le soir, il se fait une éclaircie, et une chose noire se dresse tout près de nous, surprenante, inattendue, comme un haut fantôme surgissant de la mer. Armendu, les pierres noires, dit notre vieux pilote breton, et en même temps, partout le voile se déchire, Ouessant apparaît, toutes ces roches sombres, tous ces écueils se dessinent en grisailles obscures, battu par de hautes gerbes d'écume blanche, sous un ciel qui paraît lourd, comme un globe de plomb. Il n'est que temps de redresser la route, et vite, pendant l'éclaircie, la Sèvre met le cap sur Brest, ne sifflant plus, se hâtant, avec un grand espoir d'arriver. Mais le rideau lentement se referme et retombe. On n'y voit plus, la nuit vient, il faut remettre le cap au large. Et 3 jours se passent ainsi sans plus rien voir, les yeux se fatiguent à veiller. C'est ma dernière traversée sur cette Sèvre, que je dois quitter aussitôt notre retour à Brest. Yves, avec ses espoirs de breton, voit quelque chose de pas naturel dans cette brume, qui persiste en plein été comme pour retarder mon départ. Cela lui semble un avertissement et un mauvais présage.